écris ta vol d'oiseau à ma fenêtre. Appelle en vain le soleil. Les doigts s'éteignent du vent dans les nuages, font frissonner le ciel avant l'orage. Le verre un jour sur la...